Là, non, pas de ça, Lisette. Vous n'allez pas tuer cet homme. Sans s'il soit, c'est la fin, c'est la fin. Flambé, flambeau, bonsoir. Pas Oh! Thank you.